Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 26 juillet, nous souhaitons une bonne fête tout d'abord aux ânes, ça vient de l'hébreu signifiant grâce. Fiers et racés, les ânes en imposent par la distance qu'elles mettent entre elles et les autres. Cela est souvent pris pour de la froideur ou de l'orgueil, mais ne s'agit-il pas plutôt pour elles avant tout de se préserver? En effet, elles sont inquiètes, méfiantes, introverties et demeurent secrètes. Et réservées, d'où ce côté énigmatique qui leur sied si bien. Curieuses et intuitives, elles sont particulièrement perspicaces, possèdent une vision fine des êtres et des choses, sont plus habiles à percevoir et à deviner les autres qu'à se faire comprendre par eux. D'ailleurs, ne préfèrent-elles pas tirer les ficelles en étant celles qui manipulent, décident et agissent? Volontaires et autoritaires, elles manquent de souplesse et de tolérance et imposent d'une certaine manière leurs vues et leurs idées, puisque de toute façon, elles sont les meilleures. Peu sociables, égocentriques, elles sont sélectives et préfèrent rester seules plutôt que d'être mal accompagnées. Elles se sentent souvent différentes des autres, plus ou moins originales, voire marginales, et ne suivent pas toujours des voies traditionnelles. Elles sont aussi courageuses, actives et dynamiques, tout en restant réfléchies et prudentes. Tout passe par le crible de leur raison et sans doute manquent-elles de spontanéité. Leurs choix sont guidés par leur affinité spirituelle ou intellectuelle. Elles peuvent manifester une tendance au scepticisme et arborer un sourire ironique au coin des lèvres, mais peuvent à l'inverse se passionner pour le mysticisme ou l'irrationnel, domaine d'investigation dans lesquels elles peuvent exceller. Et nous fêtons également les Joachim, ça vient de l'hébreu signifiant Dieu a établi. Les Joachim sont des personnages étranges car partagés entre deux tendances opposées. La première est une nature physique aventureuse excessive qui refuse les contraintes. La seconde est la nature cérébrale réfléchie, introspective, inquiète, réservée, en quête de sagesse. Le tout constitue un ensemble particulièrement complet et si les tendances s'harmonisent, ces hommes seront les militants convaincus d'une grande cause. Pourquoi pas la toison d'or? Quoi qu'il en soit, ce sont des êtres à part, mystérieux et secrets, car la méfiance est chez eux une seconde nature. Leurs choix sont guidés par leur affinité intellectuelle ou spirituelle, mais aussi parfois par leur intuition qui est très développée. Mais avec le 7 karmique, ils peuvent être partagés entre deux attitudes opposées, celle du scientifique rationnel et sceptique devant tout ce qui n'est pas mesurable, et celle du mystique de l'intuitif attiré par l'irrationnel et les mystères. Attention dans tous les cas que l'esprit analytique et aiguisé ne verse dans un certain fanatisme. Les Joachim sont adaptables, curieux, habiles et prompts à saisir les opportunités, amoureux des découvertes et des voyages. Mais ils sont aussi emportés et impulsifs, ce qui ne les met nullement à l'écart des incidents ou des accidents. Ils adorent la vitesse, la voiture peut être un sport dangereux. Ennemis du définitif, ils n'hésitent pas à se remettre en question. Dicton du jour, et il y en a plusieurs aujourd'hui, de Sainte-Anne à Saint-Laurent, qui est le 10 août, plante tes raves en tout temps. Pluie de Sainte-Anne est une manne. S'il pleut à la Sainte-Anne, il pleut un mois et une semaine. Pour la Sainte-Anne, s'il pleut, 30 jours seront pluvieux. Si les fourmis s'agitent à la Sainte-Anne, l'orage descend de la montagne. Si Sainte-Anne bâtit des fourmilières, l'hiver nous taquinera. Ou encore, pluie de Saint-Joachim, 8 jours en panne. Célébration internationale. Aux Maldives, c'est la fête de l'indépendance, tout comme au Libéria. Et dans les événements qui se sont déroulés un 26 juillet, en 1847, le Libéria était la première colonie africaine à déclarer son indépendance. 1908, c'était la création du Bureau of Investigation, futur FBI, par Charles-Joseph Bonaparte aux États-Unis. 1925, création des chambres de métiers en France. Et en 1965, les Maldives accédaient à l'indépendance. Allez, tout de suite, première pause musicale avec les Rolling Stones et le titre Paint in Black. We'll be right back. my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Les Rolling Stones sur RGM, un peu plus de 8h38, on parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 26 juillet 1933, naissance de Catherine Hayes, actrice américaine connue pour son rôle de Kim Huggs dans la série télé As the World Turns, 1943, naissance de Mick Jagger, chanteur britannique des Rolling Stones, 1945, naissance d'Hélène Mirren, actrice britannique vue dans Le Songe d'une nuit d'été, Caligula, Excalibur dans le rôle de la fée Morgan, The Queen dans le rôle de la reine Elisabeth II, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, vue également dans Benjamin Gates et Le Livre des Secrets, Beauté Cachée, Fast and Furious 8 dans le rôle de Magdalene Shaw, rôle qu'elle reprend d'ailleurs dans Fast and Furious Hobbs and Shaw qui sort au mois d'août, dans quelques jours maintenant, et vue dans la série télé Suspect numéro 1 dans le rôle de l'inspecteur Jen Tennyson. 1949, naissance de Roger Taylor, musicien britannique du groupe Queen. 1964, naissance de Sandra Bullock, actrice américaine, vue dans Demolition Man, Speed 1 et 2 dans le rôle d'Annie Porter, Traque sur Internet, Le Droit de Tuer, Miss Détective et Miss FBI Divinement Armée dans le rôle de Grace Hart, The Blind Side dans le rôle de Leg Anne Tui, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, Gravity dans le rôle de Ryan Stone, Ocean's 8 dans le rôle de Debbie Ocean ou encore Bird Box dans le rôle de Mallory. 1967, naissance de Jason Statham, acteur britannique connu pour son rôle de Frank Martin dans Le Transporteur 1, 2 et 3, vu dans Braquage à l'italienne, Collatéral, Chaos, Hypertension 1 et 2, La Panthère Rose, Braquage à l'anglaise, Expendables 1, 2 et 3 dans le rôle de Lee Christmas, Fast and Furious 6, 7 et 8 dans le rôle de Descartes Shaw, rôle qu'il reprend d'ailleurs dans Fast and Furious Hobbs and Shaw, qui sort donc le 7 août, et il sera également à l'affiche de Expendables 4, dont on n'a encore pas la date de sortie. 1968, naissance de Frédéric Diefenthal, acteur français connu pour son rôle d'Emilien Coutant-Carbalec dans Taxi 1, 2, 3 et 4, vu dans Belphégor, Le Fantôme du Louvre, L'Incruste, Le Souffleur, le téléfilm Le Gendre Idéal 1 et 2 dans le rôle d'Arnaud, dans les séries Le Juge est une femme dans le rôle de Colas, Clara Scheller dans le rôle de JP, dans Flic dans le rôle de Yak ou bientôt dans la série Demain nous appartient. Il jouera le rôle d'Antoine Myriel, le proviseur adjoint. 1970, naissance de Tembi Locke, actrice américaine, vue à la télévision dans Beverly Hills, Sliders, les mondes parallèles dans le rôle du docteur Diana Davis, mentaliste Bones Castle ou encore NCIS Enquête Spéciale. 1973, naissance de Kate Beckinsale, actrice américaine, vue dans Hunted, Pearl Harbor dans le rôle d'Evelyn Johnson, Underworld 1, 2, 3, 4 et 5 dans le rôle de Selene, Aviator dans le rôle d'Ava Gardner ou encore Total Recall Mémoire Programmée. 1976, naissance d'Alice Taglioni, actrice française vue dans Le Cœur des Hommes, Grande École, Mensonges et Trahisons et Plus si Infinité dans le rôle de Claire, Les Chevaliers du Ciel, La Panthère Rose, La Doublure dans le rôle d'Elena, Sous les Jupes des Filles, à la télévision dans PJ, La Vie Devant Nous ou encore Crossing Lines. 1985, naissance de Guillaume Play, animateur radio et télé français. 1991, naissance d'Alice Izaz, comédienne française vue dans Fiston, Les Yeux Jaunes des Crocodiles, Un Moment d'Égarement, les séries Victoire Bonneau et Joséphine Ange Gardien. 1993, naissance de Taylor Momsen, actrice et mannequin américaine, vue au cinéma dans Le Grinch et Spy Kids 2, mais surtout connue pour son rôle de Jenny Humphrey dans la série télé de Gossip Girl. C'est également l'année de naissance d'Elizabeth Gillis, actrice américaine, vue dans la série télé Victorious dans le rôle de Jade West, FBI duo très spécial. Depuis 2017, elle joue dans la série Dynasty les rôles de Fallon Carrington et Alexis Carrington. 2000, naissance de Thomasin McKenzie, actrice néo-zélandaise, vue dans Le Hobbit, la bataille des cinq armées dans le rôle d'Astrid, et elle sera à l'affiche de Top Gun Maverick, sortie pour l'année prochaine. En 2007, décédé Claude Collard, judoka, dirigeant sportif, fondateur du CNOSF, Comité National Olympique et Sportif Français, qu'il a présidé jusqu'en 1982. En 2014, décédé Thierry Redler, acteur français, connu pour son rôle de Marc Malloy dans Les Filles d'à côté et Les Nouvelles Filles d'à côté, ou encore le rôle de Luc dans la série Les Monos. Allez, tout de suite, on s'écoute le groupe Queen avec le titre A Kind of Magic, écrit par Roger Taylor. Kind of magic, it's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Et voilà, c'était le groupe Queen sur le 107 FM, un peu plus de 8h47. On fait un point météo. La météo. Et il fait toujours très chaud, courage. Encore aujourd'hui pour une grosse journée de chaleur, mais pour ce week-end, les températures vont diminuer. On va même perdre pour dimanche 20 degrés. Ceux qui pensent que ce sont des températures normales puisqu'on est en été, eh bien non, ce n'est pas du tout normal qu'il fasse aussi chaud. On prend pas soin de notre planète et elle nous le fait payer. Aujourd'hui, ce sera donc une journée ensoleillée avec tout de même quelques nuages qui vont annoncer les orages de ce soir. Des températures comprises déjà entre 24 et 26 degrés ce matin et on ira jusqu'à 34 et 35 degrés pour cet après-midi. Pour samedi, de la pluie et des orages, des températures comprises entre 19 et 20 degrés samedi matin, entre 23 et 24 degrés pour samedi après-midi. Dimanche, de la pluie avec des rafales de vent, des températures comprises, c'est là qu'on va perdre 20 degrés, entre 15 et 16 degrés le matin, mais seulement entre 19 et 20 degrés prévus pour dimanche après-midi. Alors comparé aux 40 degrés d'hier après-midi, eh bien on va pouvoir enfin respirer un petit peu. Et pour la semaine prochaine, ce sera normalement le retour du soleil avec des températures nettement plus agréables. On en parle bien évidemment lundi. Allez, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on parle bien évidemment du Tour de France. Hier, 18e étape entre Embrun et Valloire. Ça a grimpé, il a fait chaud. Il y a même eu un orage à l'arrivée. Une arrivée qui a vu la victoire de Nairo Quintana. Le premier français, c'est Romain Bardet qui s'est classé deuxième. Et grâce à cette belle course hier, le français a le maillot à poids de meilleur grimpeur sur les épaules. Pour aujourd'hui, Thibaut Pinot a terminé 12e, Julien Alaphilippe a terminé 14e, il a serré les dents, il a même déclaré au micro de nos confrères de France Télévisions, touché mais pas coulé. Et oui, pour l'instant, Julien Alaphilippe est toujours en jaune. On se met à rêver, pourquoi pas Julien Alaphilippe en jaune à Paris, hein, parce qu'il reste que quelques trois étapes avant l'arrivée donc aux Champs-Élysées. La belle opération, c'est Bernal qui a terminé 8e hier et grâce à cette arrivée à la 8e place, et eh bien il est maintenant 2e au classement général. Et c'est donc Thibaut Pinot qui en paye les conséquences. Il recule d'une place, il est maintenant 5e. Aujourd'hui, 19e étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, 126,5 km à parcourir. Ce n'est pas très long, mais c'est une étape de montagne, hein, bien sûr, et ça va grimper. Au kilomètre 25, il y aura la côte de Saint-André, 3e catégorie. Au kilomètre 38, la montée d'Aussois, 2e catégorie. Au kilomètre 63,5, le col de la Madeleine, 3e catégorie. Au kilomètre 68,5, un sprint intermédiaire. Au kilomètre 89, il faudra monter le col de l'Iseran hors catégorie. Et après, eh bien, ce sera la montée de Tignes, première catégorie, hein, à plus de 2000 mètres. L'arrivée se fera exactement à 2113 mètres, autant dire que c'est très haut. Et Julien Alaphilippe va devoir encore serrer les dents aujourd'hui. Et encore samedi avec Albertville-Val Thorens, 130 km samedi, étape de montagne là aussi. On fait un point rapide hein, sur le profil de cette étape de samedi. Il y aura un sprint intermédiaire au kilomètre 101,5. Ensuite, il y aura le Cormet de Rosseland, première catégorie, pardon, kilomètre 36. Au kilomètre 75,5, la côte de Longefoy, deuxième catégorie. Et la montée à Val Thorens hors catégorie 2365 mètres, là aussi. Donc voilà, encore deux grosses étapes qui attendent Julien Alaphilippe. Et dimanche, si par chance il a encore le maillot jaune sur les épaules, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Eh bien, ce sera l'étape plutôt tranquille, hein, Rambouillet, Paris-Champs-Élysées, 128 km. C'est une étape plat. Hein, voilà, la dernière étape, généralement, elle est plutôt cool. Voilà donc pour les dernières étapes qui nous attendent donc sur ce Tour de France. On parle maintenant tennis avec le tournoi d'Atlanta où il n'y a plus de Français après l'élimination hier de Humbert en 2-7 face à Kecmanovic, 6-2-6-2. À Hambourg aujourd'hui, Jérémy Chardy affrontera Basilashvili. À Jurmala, Paquet affrontera Kawa. Et à Palerme, Ferro sera opposé à Samsonova. A noter que pour l'Open du Canada, Novak Djokovic a déclaré forfait. Il a annoncé hier vouloir plus de repos avant de commencer la saison sur dur. Il y aura de la Formule 1 ce week-end avec le Grand Prix d'Allemagne. En handball, en U21, la France a battu le Danemark hier 35-32. Nos Français sont donc qualifiés pour les demi-finales. En football féminin, les Bleuettes ont battu les Espagnols 3-1. Direction donc la finale, ce sera dimanche contre l'Allemagne. Et à noter qu'en Ligue 2, c'est déjà la reprise. Ce soir, Nancy reçoit Orléans. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale. Tube de l'été 1997. Wes à l'année. Somebody sang me a song. Oh, Voilà, c'était le tube de l'été 97, Wes avec le titre à l'année sur RGM, presque 8h57. C'est donc l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point complet sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera Un autre monde, émission numéro 2, 11h, durablement vôtre. 13h30, la rediffusion des secrets de Mathilde. 14h, rediffusion de J'aime et je vous le lis. Et 21h, eh bien, ce sera Mosaïque avec François. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Bonne journée et excellent week-end. Ciao, bye bye.